Rêvez le futur que vous verrez sur la une ce soir. Hello, Hip pour vous servir. Découvrez des promotions jamais vues grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Avec en ce moment, le jambon cru italien Montorsi à seulement 9 euros le kilo. Faites vite, cette promo de génie est uniquement valable jusqu'à demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bon sang, la reine Fabiola, toute de blanche, bon vêtue. Cathy Melun, bonjour. Ben, n'exagérez pas quand vous ne trouvez pas, Jérôme, que c'est la tenue de Fabiola? J'ai des pégétages pour ma fondation. C'est elle, elle est là. Touchez-la, Sarah de Padua. Les cheveux, ça change. Du roux, comme ça, c'est pas mal. C'est Tunis. Vous ne trouvez pas qu'il y a un air avec Fabiola, même dans les cheveux? Première communiante, non, moi, je dirais. Sage comme une image, comme d'habitude. Mais oui. Ça pourrait intéresser certains. Donc, Christophe Grandjean ne l'a pas trouvé sage. Il a eu l'air de dire que... Ouais. Et c'est un vrai diamant que vous avez dans l'oreille? Ah, c'est une pierre un peu précieuse, oui. Ah, espèce de Kim Kardashian. Voilà pour le relook qui était gratuit. Ne dites pas merci, ça fait plaisir. Merci David Jamotte. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. D'accord, Denis, elle est là, toute de blanche vêtue, apparue dans la nuit à un jour d'automne. Et il ne lui manquerait plus qu'une pomme à la main, en effet, pour compléter le tableau. Douce enfant. Alors. Bon, allez. Ça nous éloigne de ce ciel bleu que nous allons retrouver avec ce soleil qui se lève sur la Belgique avec un ciel qui est sans nuages actuellement. Des températures fraîches, forcément, quand le ciel se dégage, c'est plus frais, mais en prime, eh bien, aujourd'hui, c'est le vent qui sera désagréable et frais. Un vent d'est qui va souffler modérément, assez fort, et qui empêchera les températures, malgré le soleil, de dépasser 10 à 15 degrés. Un temps relativement frais et un petit peu plus nuageux. Voilà ce qui nous attend pour la fin de la semaine, mais ça restera sec. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, de nouvelles craintes à propos de la sécurité des centrales nucléaires. Un rapport accablant censé rester top secret pointe 26 manquements. Des documents sensibles circulent à l'insu d'Electrabel. Ce sont des documents qui présentent notamment le plan de sécurité des sites. Ce sont des documents qui devraient rester confidentiels. Ce sont des notes qui expliquent comment la structure informatique de sécurité est organisée. Un rapport révélé par Ecolo que Nathalie Servet nous détaille dans une minute. Bernard Westphal joue sa tête aujourd'hui aux assises du Hainaut. Les avocats de l'ancien député tenteront de convaincre les jurés qu'il y a beaucoup trop de doutes pour déclarer leur client coupable du meurtre de sa femme. Les mauvaises nouvelles sont nombreuses, mais tout n'est pas noir pour l'emploi en Wallonie. C'est ce qui ressort du bilan de l'Union Wallonne des entreprises après 10 ans de plan Marshall. Dans le monde, l'ouragan Matthew poursuit sa route meurtrière et dévastatrice. 4 morts en République dominicaine et 3 en Haïti, où le sud de l'île est coupé du monde. Nous irons sur place. Les Diables Rouges s'entraînent pour leurs 2 prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde. Nous entendrons Thomas Meunier, content de son arrivée à Paris. Il progresse parmi les stars du PSG et il fait du tourisme culturel. Au cinéma, ce mercredi, Peter et Elliot le Dragon, des studios Disney avec Robert Redford qui nous en parlera. Et ce rapport donc très inquiétant sur la sécurité des centrales nucléaires belges. C'est un audit secret interne à Electrabel qui pointe 26 manquements graves sur la sécurité des documents confidentiels. Des manquements qui concernent les centrales de Doule et de Tihange. Quels sont ces manquements, Nathalie Servet? Alors en gros, c'est l'ensemble du système de sécurité informatique, entre autres, qui présente des failles. Il y a par exemple des documents qui sont accessibles et qui ne devraient pas l'être. Certains documents ne sont pas protégés du tout parce qu'ils n'ont pas bien été identifiés. Il y a aussi les codes d'accès à des locaux protégés qui ne sont pas modifiés en cas de changement de personnel. Un autre exemple, plus grave encore, les plans de sécurité des sites nucléaires se sont retrouvés dans les mains d'un sous-traitant, et cela à l'insu d'Electrabel. Et c'est Ecolo qui a révélé l'existence de cet audit. Oui, Jean-Marc Nollet a remis hier soir au président de la sous-commission sécurité nucléaire de la Chambre cet audit qu'il juge accablant, car selon le député Ecolo, des personnes mal intentionnées pourrait se procurer des documents confidentiels et pénétrer dans une des centrales nucléaires. Autre risque, une cyberattaque. La menace, effectivement, est que de l'extérieur de la centrale nucléaire, mais par le système informatique, des personnes mal intentionnées puissent entrer en contrôle du système nerveux, en fait, des centrales nucléaires. Et pour éviter de telles attaques, Ecolo estime qu'Electrabel ne doit plus faire appel à des sous-traitants en matière de sécurité nucléaire. Ce qu'Ecolo demande, c'est que Electrabel redéploie un service informatique complet en Belgique dans les centrales nucléaires. C'est la première demande. Et la deuxième demande, c'est que le gendarme du nucléaire, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, procède à un audit externe pour vérifier que tout, mais cette fois-ci tout, soit correct en respect de la loi d'une part, et d'autre part que les documents confidentiels restent des documents confidentiels. Et de son côté, Electrabel affirme avoir revu l'ensemble de ses procédures de sécurité, celles qui posaient problème. Merci Nathalie Servet. Dans l'actualité également, ce moment clé aujourd'hui au procès de Bernard Westphal. C'est les plaidoiries de la défense aujourd'hui. Les avocats de l'ancien député wallon ont demandé 5 heures pour convaincre le jury qu'il ne fallait pas condamner Bernard Westphal pour le meurtre de sa femme Véronique Piroton. Ils vont avoir du travail, les avocats de la défense, car hier, l'avocat général dans son réquisitoire et les avocats de la famille Piroton ont tout fait pour expliquer qu'il s'agissait bien d'un homicide volontaire, Michel Gretry. Ce sont donc exclusivement des éléments à charge qui ont constitué la trame de la journée de ce mardi, avec des nuances et de la mesure. Des nuances dans les hypothèses qui servent de récit du meurtre. L'accusation et la famille Piroton ne racontent pas exactement la même histoire et, par exemple, divergent sur l'importance du sachet en plastique retrouvé sur la dépouille. Arme du crime, peut-être, ou alors tentative de brouiller les pistes et de maquiller un crime en suicide. De la nuance et de la mesure, dans le réquisitoire, le procureur a d'emblée annoncé qu'il pourrait se contenter, si l'accusé est reconnu coupable, de réclamer 3 ans de prison avec sursis. Une clémence qui contraste avec les certitudes dont le magistrat a voulu se caparaçonner. À son estime, l'homicide ne fait pas le moindre doute. L'épouse de l'ex-député Westphal n'est pas morte accidentellement. Elle a été étouffée, les lésions aux lèvres et à la gorge l'établissent. Étouffée avec un coussin, les fibres textiles sur le visage en attestent, et la déchirure au foie découverte lors de l'autopsie indique une forte pression thoracique et abdominale. C'est un acte volontaire, c'est un acte intentionnel. Une asphyxie prend plusieurs minutes. Pas moyen d'ignorer que ce qui se passe, c'est la mort qui arrive. Place ce mercredi aux plaidoiries de la défense. Le chapitre social maintenant avec chez ING les syndicats qui ne décolèrent pas. Les syndicats n'acceptent toujours pas de rencontrer la direction pour discuter des plus de 3000 emplois menacés chez ING. La priorité pour eux, c'est d'organiser la grève et le rassemblement prévu vendredi à Bruxelles. Une réunion en front commun aura lieu aujourd'hui pour fixer les modalités. Les pourparlers avec la direction, ce ne sera sans doute pas avant la semaine prochaine. Les annonces de pertes d'emplois se sont multipliées ces dernières semaines et ces derniers mois, mais l'Union Wallonne des Entreprises, l'UWE, tient tout de même à relativiser toutes ces mauvaises nouvelles. À l'occasion de son Assemblée Générale annuelle, elle a tiré hier le bilan des 10 ans du plan Marshall, ce plan de relance économique lancé par le gouvernement de l'époque en Wallonie. Karl De Foix a écouté ce bilan dressé par Yves Prêt, le président de l'UWE, un bilan plutôt positif. Alors moi, je suis un optimiste. Et il faut l'être sans doute pour maintenir le cap quand on vient d'annoncer en quelques semaines la perte de 12 000 emplois. Un accident d'avion, c'est la formule qu'emploie à ce propos le président de l'UWE. Pourquoi je parle d'accident d'avion ? Parce que ça frappe beaucoup les gens, mais il ne faut pas oublier que nous continuons à créer de l'emploi net, et ça c'est très important. Même s'il constate que le chômage n'a pas beaucoup diminué, Yvon Prêt préfère insister sur les milliers d'emplois nets créés ces 10 dernières années. La preuve, dit-il, que les plans Marshall ont contribué à l'amélioration générale. C'est un plan qui a été continu, qui a été stable, ce que nous aimons bien, nous les entrepreneurs, et ça a permis de créer une dynamique d'innovation, de créativité en Wallonie qui est très intéressante. Il reste pourtant des failles, selon Yvon Prêt. Il évoque les grèves politiques, les écarts salariaux avec nos voisins ou les déclarations matamoresques des hommes politiques après les annonces de Caterpillar et de ING. En arrière-plan, il y a chez lui l'idée que peut-être c'est un mal pour un bien. Même si ING licencie pour répondre à la digitalisation de ses activités, la numérisation, dit-il, c'est un axe d'avenir. Il est évident que le futur sera fortement influencé par le digital. Et si nous nous projetons dans la Wallonie de demain et même celle d'aujourd'hui, il faut qu'on ait en Wallonie des compétences digitales importantes. Les entreprises de Wallonie ont fait un saut qualitatif avec les plans Marshall. Il faut les prolonger, conclut celui qui est aussi le patron de Safran Aero Boosters, ex-Texpace Aero à Liège. L'économie wallonne encore et cette campagne de promotion pour les fromages Herve, Maretsu, Chimay, Orval, on connaît tous quelques fromages wallons, mais en tout il en existe près de 500. Alors la Wallonie lance l'opération Fromage de chez nous, une campagne qui a du goût. Sébastien Joris s'est rendu ce matin chez un producteur de fromage, la fromagerie du Sanson en province de Namur. Avant de se rendre à l'atelier, Vincent Verleyen va chercher le lait à la ferme. 5 heures du matin, il faut remplir les cruches, l'odeur ne trompe pas, ce sera du lait de chèvre. Le lait est en fait dans une énorme cuve, c'est le lait de la traite. Hier soir. Donc on essaie de toujours travailler avec les laits les plus frais possibles. Plus un lait est frais, mieux il se transformera en fromagerie. Alors nous sommes maintenant à l'atelier, c'est une pièce rempli d'établis en inox. Il y a des grilles aussi sur lesquelles sont posés des fromages. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant ici? Donc actuellement, c'est le stade de l'égouttage. Donc le cahier est prêt et donc nous allons l'égoutter. Ça va permettre au sérum de s'évacuer afin de nous laisser la matière fromage. Fromage traditionnel à promouvoir, c'est l'objectif de l'Agence pour la promotion de l'agriculture, Philippe Matard et son directeur. L'objectif de cette campagne est de montrer aux consommateurs que le fromage wallon est un fromage de qualité qui est totalement comparable, sinon même parfois supérieur au fromage français. C'est une opportunité qui est à la fois économique, mais qui est également traditionnelle, rurale, et qui montre que la Wallonie a vraiment des talents. Le Belge consomme environ 15 kilos de fromage par an, le plus souvent avec une tranche de pain, parfois pour accompagner une bière ou un verre de vin. Sébastien Joris qui s'est levé très tôt ce matin pour nous proposer ce reportage à la fromagerie du Sanson en province de Namur. L'actualité dans le monde maintenant avec l'ouragan Matthew qui sème la mort dans les Caraïbes. 3 personnes ont été tuées en Haïti, 4 en République dominicaine. Le sud d'Haïti est coupé du monde. Ce matin, des vents à plus de 200 km par heure et des pluies torrentielles ont ravagé l'île. Des dizaines de maisons sont détruites. Plusieurs milliers d'habitants ont été évacués, dont ceux des bidonvilles situés sur la côte de Port-au-Prince. Des sinistrés relogés dans des conditions précaires. Reportage sur place d'Amélie Barre. Dans cette grande salle d'une école publique du quartier défavorisé de Martissant, plus de 130 familles attendent que la pluie cesse. Allongée à même le béton, Louisiana Delier est plus qu'inquiète pour elle et surtout pour ses 4 enfants. On nous a encouragés à quitter nos logements, mais c'est grave parce qu'ils n'ont pas veillé sur nous. On n'a pas d'eau, pas de nourriture, pas de drap pour s'allonger, rien du tout. Et la pluie tombe toujours, donc le choléra peut venir. Je suis obligée d'avoir peur. Moi qui suis une adulte, je connais les précautions. Mais les enfants ici, qui n'ont pas d'eau, ils pensent à boire l'eau qu'ils trouvent dans les trous dans la cour. On a quitté nos maisons pour vivre, mais on ne veut pas perdre nos enfants ici. Les choses ne sont pas formidables pour les pauvres. Louisiana ne sait pas combien de temps elle va devoir subir ces conditions. Et face à la pluie qui continue de s'abattre, elle ne sait pas non plus si sa petite maison ne va pas être envahie par les eaux. Amélie Baron à Port-au-Prince en Haïti. L'ouragan Matthew poursuit sa route. Il a atteint Cuba ce matin et se dirige vers les côtes américaines. L'État de Caroline du Sud ordonne l'évacuation de son littoral. Des chiffres records en Méditerranée où des migrants cherchent à tout prix à rejoindre l'Europe avant l'hiver. Plus de 4600 réfugiés secourus hier, près de 6000 lundi. Les opérations de secours se poursuivent pour leur venir en aide et les empêcher de se noyer ou d'être étouffés sur les bateaux surchargés. On déplore 78 décès depuis lundi. 8h11 dans le 8-9 Sport, cette question, quel diable rouge contre la Bosnie vendredi? Roberto Martinez n'a pas encore dévoilé ses plans. L'entraînement avait lieu à huis clos hier, le sélectionneur a travaillé plusieurs systèmes, mais rien n'a filtré officiellement. On sait en tout cas que Moussa Dembélé est forfait pour ce match de vendredi contre la Bosnie et pour celui de la semaine prochaine face à Gibraltar. Radja Negolan, lui, reste incertain. Les autres diables sont en forme, selon Roberto Martinez. Parmi eux, Thomas Meunier qui reste sur un match complet avec le Paris Saint-Germain ce week-end, une victoire contre Bordeaux. Le défenseur est heureux tant du côté professionnel que personnel. Bon, au niveau du club, quoi de mieux je vais dire, hein. Je suis entouré de superstars, je peux que progresser, ça se passe super bien avec le nouveau staff aussi. Donc pour moi, pour l'instant, tout est positif. J'ai déjà eu quelques matchs dans les jambes, alors j'en aimerais encore un peu plus pour vraiment avoir la confiance et le feeling, attraper un peu le rythme aussi de match. Vous êtes allé visiter pas mal de musées à Paris, on sait que c'est une ville riche. Non, on a déjà été voir 3 expos sur l'art urbain. Une, c'était une photographie sur le Colorado, et puis on a été visiter le Louvre. Donc voilà, et puis il y a Disneyland aussi, pour le petit. Vous n'avez pas vu tout le Louvre quand même. C'est toujours blindé, puis il faut faire la file pendant 2 heures. J'ai encore le temps, hein. À la base, je suis censé être là pour 4 ans, donc je vais prendre tout mon temps pour visiter Paris. Thomas Meunier rencontré par Evie Brouzakis. En tennis, les 4 Belges engagés hier au premier tour du tournoi Challenger de Mons ont tous perdu. Défaite pour Darcy, Kopeyans, Autom et Reuter. Ruben Bemmelmans et Clément Gaines tenteront de faire mieux aujourd'hui. Et puis au cinéma, sorti du Disney de saison, c'est le film familial du moment, Peter et Elliot le dragon. Oui, et c'est un titre qui doit vous dire quelque chose puisqu'il s'agit d'un remake d'un classique de Disney, une comédie musicale sortie à la fin des années 70 et qui à l'époque mélangeait vrais acteurs et dessins animés. L'histoire d'une belle amitié entre un petit orphelin vivant dans la forêt et un dragon facétieux. Le résultat, c'est un film bourré de tendresse et de nostalgie. L'occasion de retomber en enfance, c'est d'ailleurs ce qui a donné envie au grand Robert Redford d'accepter un petit rôle dans ce remake. Quand j'étais petit, les contes de fées, les histoires du soir, c'était très important pour moi. Je me sentais littéralement transporté dans un monde plus intéressant que celui dans lequel je vivais. Puis il y avait tout ce côté féerique, rempli de choses magiques. Le mot magie était d'ailleurs totalement fascinant pour le petit garçon que j'étais. Un peu de magie dans une histoire, et hop, j'étais tout électrisé. Et puis on devient grand, on oublie toutes ces sensations-là. C'est vrai, petit, on rêve d'être adulte, et une fois adulte, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour revivre notre enfance? Ce film ici, c'est une façon pour moi de me reconnecter à tout ça, à une époque où le mot magie avait encore tout son sens. Il faut absolument conserver cette petite part d'émerveillement enfantin dans nos vies d'adultes. Voilà, alors ça fait des années que la maison Disney remet d'anciens films au goût du jour. Cathy Mellon, soyez franche, hein, c'est pour l'argent ou bien ça vaut le déplacement? Peter et Elliot le dragon. Certains étaient pour l'argent, mais Peter et Elliot le dragon, c'est plus qu'un remake, c'est une nouvelle adaptation de cette histoire d'amitié entre un petit garçon et un dragon. Et c'est un petit bijou de nostalgie. Les adultes vont retomber en enfance, vous avez l'impression d'avoir 6 ans quand vous allez voir ce film. Les petits vont craquer. C'est un film très doux, très délicat, rempli de tendresse. Préparez vos mouchoirs, conseil d'amis. Et si les enfants sont méchants, je les emmène voir le nouveau Dardenne ou pas? Il n'y a pas d'enfants méchants. Ah, mais il y a quand même La fille inconnue qui est un film des frères Dardenne. C'est pour ça, qui c'est un peu une punition pour les enfants. Ah, vous voyez, c'est une punition pour les enfants. Notre invité, ils apprécieront, bon sang. Bah, les enfants, oui. Vous retournez par la situation, c'est vous qui avez parlé d'enfants méchants d'abord. Oui, mais c'est elle qui a répondu. Oui. Notre invité tout à l'heure, c'est une nouvelle série documentaire à partir de ce soir sur la Une Télé qui s'appelle Rêver le futur. La Une Télé nous plonge tout à l'heure en 2050. Avec toutes les inventions existantes, on essaie de voir ce que sera réellement 2050. Le premier épisode ce soir nous plonge dans l'univers des vêtements, mais la semaine prochaine, ce sera le sexe. À quoi ressemblera, par exemple, le sexe en 2050, mais non pas sur base d'inventions, sur base vraiment des éléments qu'on fabrique aujourd'hui. C'est fascinant. Il est 8h15, cactus. Ouais, c'est fascinant. Le cactus, Jérôme, vous penchez sur cette info primordiale dont les médias n'ont sans doute pas saisi l'importance. Bonjour, Wunsdech a le mal. Au-delà des belliqueux conflits ensanglantant notre civilisation, au-dessus de la crise économique mondiale, dont les effets collatéraux se ressentent même chez nous, dépression, licenciement, faillite, outre la malnutrition qui ronge et les maladies qui nécrosent, il est un sujet grave sur lequel il était temps, je crois, que nos ministres se penchent, tant il est vrai que sa thématique sociétale engonçait la population dans un carcan de conservatisme figé. Je veux parler, bien sûr, vous l'aviez deviné, de la problématique de la mixité au cours de juillet. Évidemment, évidemment. C'est un peu de respect hein, pour le travail de nos élus qui proposent, qui composent, qui imposent, qui couperosent, sonécrosent, enfin je ne trouverai pas d'autres verbes en ose. Ces élus de l'œuvre ombreront au bien-être psychosensoriel de nos chérubins. Isabelle Simonis, notre ministre de la promotion sociale et de l'égalité des chances sous de Motte 3, donc c'est quand même vous dire, si on a eu du monde qui est passé en dessous du bureau de Rudy, l'étalon tournésien, promeut la mixité au cours de gym. Je pensais que c'était déjà le cas, ayant moi-même partagé le trampoline avec des petites camarades de classe, au contraire de mes cousins parqués chez les jésuites, et là-bas déjà les prêtres préféraient les petits garçons. Bien qu'au collège Saint-Michel par exemple, plusieurs expériences de mixité participative furent tentées. Exercice de gym mixte avec 4 garçons au bar parallèle et la fille à la poutre et au cheval garçon. Oh, ça suffit. Le cours d'éducation physique qui restera pour moi l'une des plus grandes humiliations de ma vie, car tout de même, Les petites sandales de gym blanche pour nous, les hommes. Ah, elles existent encore. Ça nous a donné des régiments entiers de danseurs en tutu. Pourquoi la mixité dans le sport à l'école? C'est une bonne question. Alors, personnellement, je n'en ai vraiment rien à foutre, mais donnons à Isabelle Simonis l'illusion de peser sur nos vies. Et rappelons que les élus socialistes sont précurseurs dans le domaine. Rappelons que des essais de gym mixte et en plein air avaient déjà été tentés sur l'aire d'autoroute de Spi. La mixité au cours de gymnastique, c'est aussi le moment, je crois, de magnifier ces dames. Car ce que les femmes apportent au sport est inestimable. Par exemple, les sandwichs à la buvette. J'attendais la suite. Ah oui, les sacs voilà. Avec tous les équipements, laver, nettoyer. Les femmes apportent beaucoup au sport. Tenues diverses, shampoings, ses cheveux. Mon Dieu, tout ce que les femmes apportent au sport. Et puis, le sport féminin a sa place à la télévision. Combien sommes-nous à avoir ri en découvrant les performances de ces dames à l'haltérophilie? Combien d'entre nous n'ont-ils pas craint de se retrouver nez à nez au lit avec une championniste allemande de lancer du mat? Je suis donc pour, à défaut d'être contre celle, ruisselante, nymphe, vipérine, s'extrayant de la douche, l'eau nacrée perlant sur leur épiderme doux raffermi par l'effort et qui, en lente pamoison, se dirige en ondulant de mille tortillements charnels vers leur casier de vestiaire. Alors, face au miroir, tendre psyché, elle s'écrie « Putain, ça rentre, j'ai du retard de cellulite !» Notons que malgré les 27 000 pages du pacte d'excellence, 27 000 hors sommaire, glossaire, préface et remerciement, les cours de gym mixte n'avaient pas été évoqués. Le destin, heureusement, nous donne ce coup de pouce salvateur. Joël Milquet revient. Afin d'y ajouter 882 addendums. D'après Marie-Martine Schintz, et selon les nouvelles normes en vigueur prévues dans le pacte, susdit, les cours de gym mixte débuteront à 23h45 pour se terminer à 19h92. Évoquez Marie-Martine Schintz, vous connaissez mes faiblesses, Benjamin. Mais oui, je sais, votre passion. L'obligation de vous laisser, car m'étendre ainsi sur cette nouvelle donne commence sérieusement à m'exciter. Non, c'est la chute. Et vous aurez repéré qu'Isabelle Simonis, elle a loupé le coche hier parce qu'elle était à l'étranger. C'était pourtant son quart d'heure de gloire. Alors, vraiment, c'est pas bien. Elle aurait pu être dans tous les journaux, elle était par téléphone parce qu'elle était à l'étranger. Et puis elle s'est bien fait moucher par Marie-Martine Schintz, c'est après qu'elle a dit « Oh bon non, on va pas le faire. Oui, » non. En plus, elle n'est pas ministre de l'enseignement, que je sache, a-t-elle dit. Ah, elle peut être citronnée et acide, votre amie Schintz. Ah, mais elle est extrêmement citronnée. Mais oui. Bon, 8h19, c'est ça, le 8-9. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse. La transparence. Et on part sur les routes retrouver Serge, notre motard. Alors Serge, il y a un chantier à la chaussée de Ninove. Oui, depuis lundi. Hein, ça fait tout à l'heure, je vous ai promis que j'irai jusque-là. Je viens d'arriver. Donc c'est la fin de la chaussée Ninove. Quand on vient de Ninove, vers Bruxelles, le dernier tronçon est donc fermé à la circulation. Bon, à cette heure-ci, ça ne pose pas trop de problèmes. Je pense surtout que c'est pour la circulation, les embouteillages de l'après-midi, que ça pose plus de problèmes. Alors revenons un petit peu au ring, parce qu'il y a 10 minutes, j'étais sur le ring. Il y avait deux accidents impliquant des motos. Le premier, c'est à Jette, et le deuxième, c'est un petit peu plus loin à Grimbergen. Le premier, c'est terminé. Ils sont en bande d'arrêt d'urgence. Et le deuxième, il y a un quart d'heure, était toujours occupé sur la bande de gauche. Donc beaucoup de monde de côté-là. Pour le reste, il y avait un accident également à Everberg, mais il y a une demi-heure de D'accord. ça, je ne suis pas tout à fait sûr s'il est terminé ou pas. Donc c'est vers Bruxelles, mais je pense que c'est terminé. Merci beaucoup Serge, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure sur Vivacité. Restez avec nous, voici la suite du 8-9. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Hucle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Dans mon magasin de Roycebrook, je solde mes tapis pleins, vinyle, carpettes et papier peint et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Il y a un an, Mathilde Thomas, vous nous présentiez le nouveau soin Resveratrol Lift de Caudalie. Oui, et depuis, son efficacité anti-âge a été reconnue par plus d'une demi-douzaine de prix en Europe. Des centaines de milliers de femmes ne jurent que par lui. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin? Oh non, j'ai créé la nouvelle crème cachemire redensifiante, une révolution pour peau sèche. Et que cache ce joli nom? Une texture ultra légère, ultra hydratante, ultra efficace. Ainsi, les peaux normales à sèche n'auront plus à choisir entre confort et efficacité. Une nouveauté à savourer d'urgence. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah oui, bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille? Alors là, mais je vais vous montrer une de ses photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez, là, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Oh, il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Citroën, bonjour. Oui, j'ai besoin tout de suite d'une camionnette fiable et modulable. Ah, pas de problème. Parce que j'ai un client qui attend et la mienne m'a lâché. Ah oui, oui. Oui, je suis menuisier. Si vous m'en trouvez une disponible, je vous offre 20 mètres carrés de parquet. Monsieur. Et je viens le poser gratuitement, hein. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Vivacité est là de présente l'Etias Trophy, le tournoi Challenger de Mons, le rendez-vous du tennis de haut niveau depuis 12 ans. Du 1er au 9 octobre, c'est au Loto Mons Expo que les jeunes talents rencontrent des joueurs du top 100. Alors pour vous aussi, rendez-vous à Mons du 1er au 9 octobre avec le soutien de la Loterie Nationale, la Région Wallonne et la Ville de Mons. Bon, au-delà des perfidies, des petites phrases, tout à l'heure au cinéma, il y a donc le nouveau film des frères Dardenne. Et il paraît qu'à Tic, après Cannes, ils ont remonté le film. Oui, effectivement, ouais. Il avait été accueilli un peu froidement sur la croisette. Ils ont un peu coupé dedans, ils ont remonté quelques scènes pour dynamiser le côté enquête du film. Et ça booste, on est dans... Bah, je n'irai pas, ouais. Je pense que... Dans 24 heures chrono. Okay. Ah, pour moi, la clinique de la forêt noire reste une référence. Hein. Je ne sais pas si vous regardiez ce truc. Le renard. Oui. Ah, et le renard. Bon sang, qu'est-ce que j'en ai frémi en regardant ça. Donc, c'est du même niveau de rythme que le renard. Ah, c'est un peu... vous me coincez avec mes collègues de serin, zut. Mais non, mais je ne veux pas comparer ça à Police Academy ou à des trucs plus rythmés, donc je cherche... Frères Dardenne, ce serait amusant, un remake de Police Academy par les frères Dardenne. Ils sont très drôles, hein, il ne faut pas croire, les clichés, ils sont très très drôles et sympathiques. Oui, non, et ce sont des talents de chez nous. N'oubliez pas de vous inscrire au 3063 SMS, vous indiquez « Je veux jouer au 3063 », nom, prénom, coordonnées complètes. C'est le Kikadi, il y aura un cadeau à la clé et un mot imposé pour le live de vendredi avec Pat Allen. Dans l'immédiat, 8h25, Sarah, le Zap Télé avec Télépro.be et une grosse menace sur les émissions en direct à la télévision. La question se pose effectivement du côté français parce que hier encore, chez Cyril Hanouna, qui est en direct sur C8, on ne peut plus dire D8, c'est sur C8, et voilà 3-4 personnes qui se lèvent et qui crient « Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire !» On sent bien à la tête de Cyril Hanouna que ce n'était pas du tout prévu, et en fait via Twitter, on apprend que ce sont des militants anti-IVG, donc joyeux anniversaire, merci d'exister, etc. Tout ça pour relancer donc le débat sur, oui, le direct ou pas à la télévision française. Le ministère de l'Intérieur recommande aux chaînes de ne plus diffuser des chaînes, des émission en direct. TF1 l'a pris à la lettre d'ailleurs. Il décale de 5 à 10 minutes le direct. Donc c'est du faux direct, ouais, entre guillemets. Donc ce que vous verrez dans The Voice en direct, c'est déjà produit en vrai avant. Voilà, The Voice, il y a Danse avec les stars bientôt, The Voice Kids, etc. Tous les gros programmes seront diffusés donc avec un léger différé, 5 à 10 minutes. Cyril Hanouna, à l'époque, il y a quelques jours, disait « Ah non, moi je continue à être en direct » et peut-être qu'il va donc changer d'avis suite à ces quoi que, on peut dire. C'est pas une obligation. C'est une forte recommandation des autorités françaises. Aux États-Unis, c'est obligatoire, hein, depuis l'affaire du sein de Janet Jackson avec Justin Timberlake. Il y a un petit différé de 5 à 10 secondes en cas de problème. Et dans les Jeux Olympiques, je pense que c'est obligatoire aussi, parce qu'ils ont peur d'un gars qui arrive soit nu, soit en tyran, et donc ils peuvent couper les images à tout moment. C'est trafiquer la réalité un peu, Christophe, le décalage. Il suffisait de fermer la porte à clé du studio, non? Mais c'est pas toujours possible. Lui souhaiter bon anniversaire, c'est pas bien grave. Non, ici, c'est un peu tellement de bêtises sur son plateau. C'est juste que c'est inattendu qui arrive en direct. Foot, bien, ah ben pour les matchs de foot aussi, donc ceux du stade sauront, oui, sauront et oui. Ceux de la télé ne sauront pas encore. On verra si la peur du direct un jour impactera le 8-9, mais là il est bien 8h26, 53 secondes. C'est pas de la triche, on va vers les titres. Rentrer aussi chez Suzuki. Mais oui! Venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Les inratables de Linebacker. On peut rater un clou, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 20% de réduction sur plein de rideaux et la confection gratuite. C'est chez Linebacker. Joe, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%, 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mercredi. La sécurité des centrales nucléaires, une fois de plus en question. Un audit interne à Electrabel met en évidence 26 manquements dans les centrales belges en termes de cybersécurité. Des données sensibles circulent trop facilement et pourraient se retrouver entre des mains mal intentionnées. Journée cruciale pour Bernard Westphal ce mercredi aux assises du Hainaut. Les avocats de l'ancien député wallon vont plaider. Ils vont expliquer aux jurés qu'il existe trop de doutes pour déclarer Bernard Westphal coupable du meurtre de sa femme. L'ouragan Matthew sème la mort et fait d'énormes dégâts sur son passage dans les Caraïbes. 7 personnes sont mortes en Haïti et en République dominicaine. Le soleil donne rendez-vous à tout le monde ce matin, mais le vent est là et le vent est désagréable. Il est piquant, il accentue l'impression de fraîcheur. Ouh, le bougre. 15 degrés de maxima seulement aujourd'hui. Il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. Vous les avez sûrement déjà croisés sur leur vélo, gros sac sur le dos. Les livreurs de repas à domicile sont de plus en plus nombreux. Ces services vous permettent de commander dans un restaurant et de vous faire livrer à domicile par ces coursiers. Et un nouvel acteur de taille va bientôt faire son apparition à Bruxelles, Uber Eats. La plateforme est surtout connue pour ses chauffeurs de taxi contestés. Elle se lance donc dans un nouveau créneau. Avec quelles craintes pour les concurrents? La réponse avec Guillaume Gilbert. L'arrivée d'un gros concurrent comme Uber Eats ne semble pas inquiéter plus que ça Mathieu Delopem. Pour le manager de Deliveroo Bruxelles, cela prouve qu'il a eu raison de lancer ce service à Bruxelles il y a un an. Quand on voit un gros concurrent arriver, on se dit que ça confirme quand même nos hypothèses de croissance potentielle. Il y a de la place pour plusieurs acteurs sur le marché. La Belgique est un gros marché en croissance, mais le fait d'être à plusieurs justement nous pousse à être encore meilleurs. Être meilleur et se démarquer des concurrents, c'est également la stratégie adoptée par Resto In, un autre service de livraison de repas actif à Bruxelles. Julie Segart de Restoin. On se démarque de différentes manières par rapport à nos concurrents. C'est-à-dire que Restoin a été créé à la base il y a 10 ans, plus pour travailler en relation avec des sociétés plutôt que des particuliers. Ce qui fait qu'on livre aussi sur un beaucoup plus large périmètre que nos concurrents. Ces services de livraison de repas prennent bien sûr une commission sur le montant payé par le client au restaurant. Yvan Rauch est le président de la Fédération Horeca Bruxelles. Il est tout à fait ouvert à ce type de service qui amène de nouveaux clients au restaurant bruxellois, mais il tient à cadrer les choses. C'est notre mission de dire qu'il y a des limites. Donc moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne un pourcentage de 30-50% aux restaurateurs. Des limites qu'il faudra fixer. Des réunions sont prévues dans les prochaines semaines entre la Fédération Horeca Bruxelles et Uber Eats. Et ces livraisons pourraient se faire à vélo. Et justement, les vélos, ils ont besoin d'un toit à Bruxelles. C'est la nouvelle campagne du GRAC, le groupe de recherche et d'action des cyclistes au quotidien. L'idée, eh bien, c'est de mettre en avant le besoin de stationnement vélo pour les cyclistes. Aujourd'hui, le manque d'infrastructures est un frein pour beaucoup de personnes qui hésitent à enfourcher leur bicyclette plus régulièrement. Écoutez Aurélie Williams, la secrétaire générale du GRAC. Quand on n'a pas de stationnement vélo à l'arrivée ou même au départ, en fait, on ne pratique pas le vélo parce que si le cycliste n'est pas assuré que son vélo est stationné en sécurité, eh bien, il a peur de se faire voler son vélo d'une part, c'est-à-dire que si la nuit, on laisse son vélo à l'extérieur, c'est assez simple de comprendre qu'il est risqué de se le faire voler. Et donc, ça ne pousse pas les personnes à faire du vélo et certains sont encore à prendre leur voiture le matin. C'est vraiment un frein à la pratique du vélo, donc ça c'est vraiment très dommage. Donc l'idée c'est vraiment de mobiliser les citoyens et de leur donner des outils prêts à l'emploi pour exprimer leurs besoins en stationnement, que ce soit auprès de leur commune ou auprès de leur employeur. Et après ça ne s'arrête pas là, l'idée c'est vraiment d'accompagner les communes et les employeurs à installer des bons parkings de stationnement vélo. Donc on a des argumentaires et des fiches techniques qui permettent à chacun de faire le meilleur pour installer des parkings de qualité pour les cyclistes. Une interview de Pierre Van den Bul qui est... Et puis, il y aurait des risques d'émeutes dans le quartier Matongé à Ixelles. C'est les chevins ixellois Béa Diallo qui l'affirment. Ce sont les suites de l'annonce du report des élections présidentielles au Congo. La forte diaspora congolaise de Matongé et les opposants au président à Bruxelles pourraient vouloir protester contre cette décision. On se rappelle que des émeutes avaient eu lieu en 2011 lors de la réélection de Kabila. La commune demande donc aujourd'hui à la région d'agir préventivement. Région qui a promis d'informer la police et les agents de sécurité sur la situation au Congo. Et justement, cette actualité politique congolaise, c'est aussi l'occasion de se replonger dans l'histoire du pays et notamment de la colonisation belge sur place. Une expo de matériel de propagande belge depuis 1885 est à voir en ce moment sur le campus de l'ULB, salle Allende. Elle présente des affiches, livres ou photos destinées à l'époque à convaincre les Belges d'aller travailler au Congo. Écoutez Julien Trudaillu de l'association CEC à l'origine de cette expo. En fait, on a beaucoup destiné d'images aux enfants. Ils ont beaucoup joué avec. Il y a aussi un autre instrument qui sont les chromos qu'on collectionnait, donc ces petites images qu'on collectionnait dans les emballages alimentaires. Et beaucoup de personnes qui visitent l'expo qui avaient, 10-11 ans dans les années 50 se souviennent de ces images. Et il n'y a rien à faire. Ça a infusé, ça a aussi marqué les esprits et pas toujours dans le bon sens, évidemment, puisque c'est ce qu'on veut montrer aussi dans cette exposition. Je prends un exemple. Quand on présente la faune et la flore du Congo et qu'on y mêle avec les plantes et les fleurs des pygmées, il y a un problème, il y a un vrai problème. Alors aujourd'hui, évidemment, on regarde ça avec nos yeux, on va dire, de notre contexte aujourd'hui, où quelqu'un comme Obama est devenu président des États-Unis. Mais à l'époque, ce qui va être très très problématique, c'est qu'en 60, le rideau va se fermer, hein, avec cette indépendance soudaine pour l'esprit des Belges. Ce rideau va se fermer et ces images vont être remisées dans les greniers et on va... pas du tout déconstruire ces stéréotypes. Interview Nicole Debarre et cette expo Notre Congo est à voir jusqu'au 17 décembre. En football, l'Union Saint-Gilloise a été balayée hier soir 4-0 par l'Antwerp en ouverture de la 9e journée de D1B. C'était déjà 3-0 après un quart d'heure. C'est la 3e défaite consécutive pour les Saint-Gillois, complètement dépassée, comme l'explique le capitaine. On a ramassé une belle casquette, hein. 4-0 à domicile. Je pense que Anvers aujourd'hui était vraiment, c'était un niveau au-dessus. On n'a absolument pas pu rivaliser. On en a pris 4. C'est clair que c'est chouette pour personne. Après 15 minutes, le match était déjà plié. C'est dur quand même ça, non? Vous n'avez jamais réussi à trouver la clé, hein? Non, aujourd'hui, c'était un monde de différence. On a essayé de se battre, de tenir la baraque, mais aujourd'hui, il y avait une trop grosse différence. Vincent Van Nippenbeek avec Pascal Chimé. L'Union a aussi perdu son buteur, Nicolas Ragsel, qui ne jouera pas donc dimanche face au Cercle de Bruges, 8h36. Et à 9h, c'est vous qui lit avec trois débats sur la table. D'abord, l'homme d'affaires algérien qui va de pays en pays pour payer les amendes des femmes sanctionnées pour port du voile intégral, le fameux niqab, était en Belgique hier. Faut-il stopper cet homme qui paye les amendes des autres? Ensuite, une entreprise d'engins de chantier de Waterloo ferme, mais elle propose au personnel d'aller travailler dans l'usine de République Tchèque. Aller en Tchéquie pour garder son boulot, est-ce que vous le feriez? Et puis des clients, dont le directeur de Médecins du Monde, commencent à fermer leur compte ING. Est-ce que c'est cela qu'il faut faire? Le standard est ouvert, Marion Jomotte. Oui, le standard est ouvert. Alors, un seul numéro pour nous joindre, le 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Si vous êtes fan de Facebook, vous pouvez aussi commenter nos sujets sur notre page. C'est vous qui le dites. On part sur les routes, voilà, vous m'entendez. On part sur les routes, faire un point sur la circulation avec Serge. Toujours ce gros chantier, hein, chaussée Ninove. Oui, vous allez rigoler, mais je me suis perdu, c'était véritable labyrinthe. Oui, je vous assure, c'est à hauteur du canal, en fait, tout à fait au bout de la chaussée Ninove. On est déjà quasiment sur le boulevard Barthélémy, donc il y a vraiment un gros chantier, c'est l'endroit à éviter. Il n'y a pas énormément de monde, mais c'est un véritable labyrinthe, on vous en va dans des petites rues, etc. Enfin, franchement, c'est à éviter. Alors, pour d'accord. Le reste, sur le ring, on a normalement encore toujours un accident impliquant une moto, c'est à Strombeek en direction de Zaventem. Merci beaucoup Serge, tout de suite, la suite du 8-9. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Oktoberfest, j'ai nié les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les horaires et sans trébucher. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Oktoberfest. C'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore nier les new cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Nier les new cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende. À l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer. Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Testez-le vite, Yves Rocher. Il reste une place à table, c'est pour le Kikadi. Inscrivez-vous dès maintenant, c'est un last minute. Vous envoyez au 3063. Je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. Vous viendrez tout à l'heure identifier le Kikadi du jour, soit avec l'aide de Sarah, qui parfois a le flair, avec l'aide de Jérôme. C'est aléatoire. C'est ça. C'est aléatoire. Ou alors Cathy, qui est une femme inspirée. Ça dépend des jours. Et aujourd'hui, vous vous sentez bien ou pas? Oui, je le sens bien. Oui. Ok, elle le sent bien. Donc, ce sera peut-être elle qui vous aidera au 3063. Quel est le film familial de la semaine, Cathy? Peter. Peter Elliot de Dragoon. Non, ah. Peter Elliot le dragon, le nouveau Disney. Une pépite. Vous avez l'art de magnifier les titres de films. Peter et le dragon. Hein. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà projeté en 2050? Vous avez déjà pensez à votre vie en 2050, Sarah? Pas tout à fait, non. Eh bien, c'est une télé qui va vous aider à le faire dès ce soir. C'est une série documentaire en 10 épisodes. À partir de ce soir à 22h15, ça s'appelle Rêver le futur. Et sur base de tout ce qui est existant aujourd'hui, on essaie de voir concrètement ce que sera 2050. Avant d'appeler le papa de cette série, extrait du début. Le monde que nous connaissons est voué à subir de grandes métamorphoses. La technologie et les sciences sont en train de transformer nos vies à une vitesse étourdissante, réjouissante, parfois inquiétante. Et pourtant, nous ne sommes qu'au début d'une ère de possibilités extraordinaires. Préparez-vous à un incroyable voyage dans le temps pour découvrir aujourd'hui à quoi quoi ressemblera notre vie. Tadam, rêver le futur. Là, t'as l'impression que c'est la science-fiction et un vaisseau spatial qui arrive. Eh ben non, c'est Alex Fighter, un des papas qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes les... Bonjour. Bonjour. On est d'accord que vous n'allez pas fantasmer comme on rêvait à l'époque de ce qui allait se passer dans les années 2000. C'est sur base de très concret que vous nous dites ce que sera 2050. C'est effectivement très concret. En fait, la série donc, explore les grands piliers qui structurent notre quotidien, comme la médecine, l'école, l'alimentation, les transports, le sexe notamment. L'idée, c'est de confronter aussi un petit peu ces fantasmes de la science-fiction, parce que tu parlais des transports il y a un instant. La première image, je pense qu'on a tous, en tout cas l'une des premières images, quand on pense à notre enfance ou notre adolescence, ce sont ces films où on voyait des bagnoles qui volaient. Ah bah oui, et on les a pas eues finalement. Et on les a pas eues, mais où sont-elles? Ou pour l'alimentation, cette fameuse pilule, vous savez, qui remplace les repas. Donc on est ou la pizza qui s'agrandit dans le four à micro-ondes. Ouais, le truc lyophilisé. Et on peut prendre Alex Fighter épisode par épisode. Donc ce soir, vous démarrez par la mode du futur. C'est quoi ces fameux vêtements intelligents qui s'adaptent à la météo? Ce sont des vêtements qui font quoi? Alors, juste pour répondre à votre question précédente, je suis désolé, Martin, parce que j'ai répondu à côté. Ce que je voulais vous dire. Je vous en prie, mais après, je vous poserai la question suivante. Allez-y. C'est le décalage horaire. Non, évidemment, on travaille main dans la main avec les scientifiques. Les projets que nous présentons sont des projets qui sont réels, qui fonctionnent et qui sont bien partis pour voir le jour en 2050. Donc, OK, on s'amuse avec les références populaires, mais l'idée, c'est vraiment d'explorer ce monde en marche, le monde de 2050, dès aujourd'hui en 2016. Vêtement intelligent, parce que je vous dis déjà la question suivante qui concerne l'épisode sur le sexe de 2050. Donc plus vous répondez vite, plus on arrive au chapitre sur le sexe de 2050. C'est quoi le vêtement intelligent? J'étais sûr que ça vous intéresserait. Ah bah oui. Sur le sexe. Oui, bien sûr. Et sur la mode, donc effectivement, la série démarre avec cet épisode. C'est un épisode assez étonnant qui d'ailleurs... j'en profite pour l'annoncer parce qu'on est très fiers au sein de l'équipe, qui a été retenue par le Festival international du film scientifique. Donc on s'amuse dans Rêver le futur, mais nous présentons vraiment des projets scientifiques et technologiques viables. Mais sinon, ce vêtement qui s'intéresse à la météo, il fait quoi? Alors, il y a effectivement des vêtements, des textiles intelligents qui auront pour vocation de s'adapter à la météo, de s'adapter aussi à votre corps, c'est-à-dire à Noël, si vous avez tendance à abuser un petit peu des bonnes choses et que vous prenez un petit peu du poids, on peut imaginer que certains vêtements s'adaptent à votre silhouette quasiment en temps réel. Mais non, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on explore l'imprimante 3D. On entend beaucoup parler de l'impression 3D. Il y a une imprimante 3D en développement aujourd'hui aux États-Unis et qui pourrait arriver bien avant 2050 et qui nous permettrait à la maison de pouvoir fabriquer nous-mêmes les pièces dont nous rêvons. Alors, je ne voudrais pas qu'on résume ça juste aux vêtements et au sexe, parce que je signale aussi qu'il y aura tout un passage sur l'habitat, nos maisons de demain, à quoi ça ressemblera. Et puis, au-delà du clin d'œil, le sexe en 2050, c'est assez inédit comme approche, notamment cette question sur le cybersexe. Vous savez, se mettre devant une caméra, faire l'amour à distance avec quelqu'un ou faire du jeu sexuel. Est-ce que ce sera vraiment la norme de 2050? Déjà, la société est en pleine transformation. On voit bien que la nouvelle génération a une approche à la sensualité, à la sexualité différente. L'essor des applications diverses et variées amène, en tout cas je parle de ma génération, au rang un petit peu de la préhistoire. Donc les choses sont en train de s'accélérer de façon exponentielle. D'abord parce qu'il y a la technologie d'un côté, mais de l'autre, il y a également... ce qui se passe dans notre tête, les concepts, comment est-ce que nous on évolue socialement et comment est-ce que la nouvelle génération envisage les choses. Vous avez quel âge ? J'ai eu 40 ans cette année. Ok, donc 2050, faites le compte. Vous avez votre âge de 2050, Cathy, en tête ? 70. 70, ouais. Elle ne serait pas encore pensionnée. Ouais, Jérôme ? Jeune. Avec la méditation et le yoga... Ça préserve. Ah ben voilà le bon conseil. Donc c'est ce soir, à partir de 22h15 sur la Une Télé, ça s'appelle Rêver le futur. Alex Fighter, vous en êtes un des papas. Permettez-moi de vous conseiller d'acheter un nouveau téléphone avant 2050. C'est un petit conseil d'amis. Bonne journée Alex Fighter. Je vous remercie beaucoup Benjamin et merci à toute l'équipe. Bye bye. À bientôt. Et maintenant chacun fait cet exercice. En 2050, j'aurai tel âge. Serais-je déjà pensionné ? Ok, tout le monde a sa réponse. Jamais, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Dans un instant, qui a dit ? Qui livre vos vins préférés partout en Belgique ? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise ? Faites-le réparer maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne où et quand ça vous arrange. C'est super pratique et n'est possible que chez Carglass. Réservez maintenant votre rendez-vous sur Carglass.be via votre PC, smartphone ou tablette. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé ? 9,5 sur 10 ? Faut te reprendre, hein ? Vous êtes très exigeant ? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant. Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Le 8-9. Eh ben alors, nous sommes à Amé. Daniel, bonjour. Bonjour. Vous aurez quel âge en 2050 ? En 2050 ? Oh là là, je serai très très loin, moi. Bon, mais vous serez pensionné en 2050 ? Moi, j'en suis déjà, donc. Ah oui, mais la nouvelle loi vous forcera à retourner au travail. Donc, vous aurez 40 ans de break. Et puis, hop, retour. Daniel, on va se tenter un kick-a-dix ce matin. Vous identifiez l'auteur et vous demandez l'aide de quelqu'un autour de la table. On a voulu faire un hymne à la vie. On a voulu faire un hymne à la vie. Qui parle de sa création artistique ? Luc Dardenne, dont le nouveau film sort aujourd'hui. Kiki l'innocent, auteur presque de la chanson « On va gagner », un tube, sacré Jérôme, dans le clip « Vous êtes parfait ». Et puis en troisième proposition, Laurent Simon, qui est un footballeur de génie. Qui a dit donc « On a voulu faire un hymne à la vie ». Souhaitez-vous, Daniel, l'aide de Sarah, de Cathy ou de Jérôme ? De Sarah. De Sarah, c'est elle qui s'y colle. Oui. Alors Sarah. Pas Kiki, non. Vous étiez inspiré, là, pour les trois... Non, je sous-traite désormais. Oui. Je sous-traite en Chine, qui sous-traite à Pascal Chimay, qui sous-traite lui-même... On voit ça, oui. Qui ? Ne nous posons pas trop de questions, moi, je pense que c'est Dardenne. Dardenne avec la sortie du film. Daniel, vous faites quoi ? Vous dites qui ? Je pense à Dardenne aussi. Vous pensez aux Ardennes ? Eh bien, c'est yes, bien joué. Bravo. Luc Dardenne a dit ça, le nouveau film sort aujourd'hui. Il dit ça dans le journal Le Soir. Le cadeau pour vous, c'est La Vengeance, le troisième film de la saga La Vengeance dans la peau. C'est le troisième film avec Matt Jason Damon. Jason Bourne. Ouais, vous l'avez vu ou pas ? Non, mais vous m'avez fait peur. Je croyais que c'était un film des Ardennes. Si vous insistez, j'en mets un dans la boîte. Attention. Non, je vous en supplie, non. Daniel, quel est le mot que vous imposez au live de Pat Allen vendredi ? Mégalodon. Ça veut dire quoi ? Oh, c'est un poisson préhistorique. Et pourquoi ? Oh, bah, ça ressemble un peu au gouvernement pour le moment. Ah bah, tout le monde a été rhabillé pour l'hiver. Daniel, avant que vous n'ayez un commentaire sur nous, je vous souhaite une bonne journée. Coupez. Coupez-le. Daniel, à bientôt, à Amé. Oui, beaucoup. C'est pas la saison du téléphone aujourd'hui, visiblement. Dans un instant, au cinéma, eh ben pas de chance. La sortie du film des frères Dardenne. Mais ne dites pas ça, enfin, mais voyons, non. C'est du cinéma de chez nous, des gens reconnus de par le monde, hein, qui font des grands films. Écoutez, je dis ça pour Daniel, pas pour les autres. Si vous avez des plaintes, écrivez-nous les... Ah mais, à Daniel qui transmettra. Donc cinéma dans une seconde. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Jusqu'à 9h, le 8-9. C'est gratuit, question d'intérêt général. Kim Kardashian s'est donc fait dérober pour 9 millions de bijoux. Comment titreriez-vous le rapport de police ? Jean-Michel Biltres nous propose « Les faux policiers ont emporté tout ce qui avait de la valeur, la preuve, elle est restée. » Michel Thérèse Cruel, c'est la silicone volée. Ah, joli. Attention, très bien, très bien, très bien. La cuite du jour, il n'y a plus d'argent pour les tubes de prélèvement sanguin à la police. Quel serait le nom de l'action organisée pour en récolter ? Bon, répondez sur la page Facebook du 8-9, bien sûr. Il faut être un tantinet créatif et drôle si possible. Page Facebook du 8-9. Et puis si vous allez sur vivacité.be, la revue de presse, toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin, notamment cet automobiliste qui reçoit sur son GPS la preuve qu'il y a une attaque aérienne en cours, cet homme accuse la RTBF. Cathy est peut-être... C'est pas moi. Ah, on croyait. C'est sur vivacité.be. 8h54, retour donc au cinéma. On se redit un mot, Cathy, sur le film pour les enfants cette semaine. C'est donc Peter et Elliot le dragon. Oui, mais pas que pour les enfants, en fait. Moi, j'invite tous les adultes à partager un moment en famille avec ce film qui est un petit bijou. Je le rappelle, c'est une histoire d'amitié entre un petit garçon orphelin, une espèce de mougli qui vit dans la forêt, seul comme un petit sauvageon, et avec un dragon. C'est mignon. Mais oui, avec un dragon. C'est un film très, très simple qui nous touche profondément... qui touche profondément aux sensations de notre enfance. Donc c'est pas le vieux recolorisé, pour ceux qui arrivent maintenant, non, c'est pas le vieux remis au goût du jour. Non, je rappelle que c'est un remake d'un classique de Disney sorti fin des années 70. À l'époque, c'était un film qui mélangeait images de prise de vue réelles, acteurs et dessins animés. Ici, on est vraiment dans quelque chose de touchant, de drôle, de tendre, avec des belles valeurs familiales. Ça se déroule, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, mais ça se déroule dans une forêt américaine. On a juste envie de prendre son pick-up, de mettre une chemise à carreaux et d'aller couper du bois. Il y a vraiment une atmosphère écolo sympathique. C'est touchant. C'est remarquez que Sarah y est déjà. Elle a mis la chemise de bûcheron aujourd'hui. Ouais. Je pense que ça va lui plaire. Vraiment, je pense que Sarah, avec ses petits bouts, doit absolument aller voir. Justement, ça part de quel âge ? Alors, je dirais que le début est un peu triste. Il y a un petit côté Bambi. Un petit décès. Ah. Et donc je me suis dit, oula, Je pense qu'après 7-8 ans, parce que bon, il est question du deuil quand même dans ce film, mais ça permet peut-être de discuter et d'appréhender le deuil. Et c'est une histoire d'amitié, de tolérance, de forêt. Moi, j'ai adoré. Et le dragon, il est bien fait ? Oui. Ou c'est image de synthèse qu'on voit que c'est un truc C'est image de synthèse. Alors c'est un dragon qui ne fait pas peur, évidemment. Ah. C'est un gentil dragon. Et Robert Redford, il a vieilli. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Il a pris. Non, mais ça fait longtemps qu'on l'a vu. Robert Redford dans un petit rôle. Ça fait 10 ans qu'il a pris, diront les mauvaises langues. Mais au moins, il reste, depuis 10 ans, il est stable. Non, il est... Toujours un très très bel homme. Ah, oui, bien sûr. Je nous souhaite, Jérôme, de ressembler à Robert Redford quand nous aurons 90 ans comme lui. Même maintenant. Mais vous savez qu'au départ, vous n'êtes pas les mêmes. Enfin, on est plus Robert que Redford. Robert Lafrite à Charleroi. Alors, le film d'après, Nerve, un thriller que vous qualifiez de technologique. Eh oui, c'est un thriller hyper moderne qui se base sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne. Et Nerve, dans le film, c'est le titre d'un jeu qu'on joue avec son téléphone. Alors dans ce jeu, c'est un peu un cap ou pas cap. Et on choisit d'être voyeur ou joueur. Ah, donc, qui choisit quoi? Sarah, vous choisissez quoi? Voyeur ou joueur? Joueur. Elle prend joueur. J'adore jouer. Géraud. Ah bah voyeur, vous pensez. Ah bah, pas le choix, voilà. Alors le voyeur paye entre guillemets et voilà. Envoie des défis aux joueurs. Alors ça démarre. Pour 100 dollars, va embrasser pendant 30 secondes un inconnu dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Alors évidemment, on se filme. Je veux être voyeur. Si le défi est réussi, on reçoit de l'argent. Alors, ça commence très doucement, très gentiment, jusqu'à aller avec des choses, avec des armes à feu, des choses dangereuses. Oh, contre 15 000 dollars, peux-tu faire de la moto les yeux fermés? Donc, c'est un film qui se base un peu sur les dangers des réseaux sociaux, sur les dangers de l'argent à tout prix et sur les dangers de ces jeunes qui, court peut-être appelle le like et le follow sur Facebook et Twitter et Instagram, mais c'est surtout un très très bon thriller, vachement bien foutu, bien ficelé, hyper moderne. Voilà, je pense que les jeunes se diront, mais enfin, les adultes ont peur d'Internet. Écouter parler de voyeurs pendant des heures, mais il y a un vrai dossier cette semaine, c'est le 10e long métrage des frères Dardenne que les autres autour de la table ont raillé honteusement. Ça s'appelle La fille inconnue, défendez donc le patrimoine wallon et le beau cinéma. Cathy. 4100 represent, serein et dans la place. La fille inconnue. Bah oui, c'est un code. C'est mes compatriotes de Serein. La fille inconnue, l'histoire d'une doctoresse qui s'en veut, qui culpabilise. Pourquoi? Parce qu'un soir, il est tard, les visites sont terminées, elle est avec son stagiaire, elle en a un peu marre et elle dit, bon, il y a des règles, quelqu'un sonne à sa porte et elle dit non. Les consultations, c'est fini maintenant, sinon on se fait bouffer la vie. Et le lendemain, elle apprend que la personne qui a sonné à sa porte est décédée. Et donc, elle s'en veut énormément. Ah ouais. Elle s'en veut. Et elle va mener elle-même une enquête parce que c'est une jeune femme sans papier. Est-ce qu'elle était malade? Que lui est-il arrivé? La doctoresse va tenter d'enquêter là-dessus. Donc, c'est un Dardenne en mode suspense. Cathy, j'ai que 10 euros. Peter et Elliot le dragon, Nerve ou La fille inconnue, sachant que cette semaine, les enfants n'ont pas été sages. Lequel je vais voir? Bon, Peter et Elliot le dragon, malgré tout, même s'ils ne sont pas gentils, parce que vous allez passer un très beau moment en famille. Bon, elle l'a redit 3 fois, donc c'est le film à aller voir, évidemment, cette semaine. Sans merci, madame Imelon de Serein. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes. Concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez, Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! Wouh! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Ah, Denis, vous qui êtes à la météo, ce que les frères sont au cinéma, dites-nous. Non, bah écoutez, les palmes en moins, mais quand même. Et de palmes, on n'en aura certainement pas besoin aujourd'hui, vu que le ciel sera complètement dégagé. Plein soleil pour aujourd'hui, mais grande fraîcheur. On n'a pas encore atteint les 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et on est à peine à 7 degrés sur Bruxelles actuellement. Et aujourd'hui, malgré ce soleil qui sera bien présent, eh bien, on ne dépassera pas 10 à 15 degrés. En cause aussi, le vent d'est qui est modéré assez fort et qui sera très désagréable. Ce temps sec et relativement frais, même si on se rapproche des valeurs de saison, sera encore d'actualité pour la fin de la semaine, avec toutefois, dès demain après-midi, un petit peu plus de nuages à partir de l'est du pays. Vous êtes sur Viva, il est donc 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les avocats de Bernard Westphal vont donc jeter leur dernière force dans la bataille. D'ici quelques minutes, ils vont entamer leur plaidoirie, une très longue plaidoirie, plus de 5 heures. À leur arrivée ce matin, ils n'ont pas fait de commentaires, ils réservent leurs arguments pour la cour et c'est un moment crucial.